Jovial. Watch my back, yeah, my back. Quand tu l'appelles, elle décroche pas. Ta meuf à toi, c'est mon plan à moi. Quand tu l'as, elle pense à moi. Quand t'es pas là, je suis dans ses bras. En bas bout de mon nom, c'est miel, miel. Mandy dans sa con abeille, bay. En bas bout de mon nom, c'est miel, miel. Mandy dans sa con abeille, bay. Bien sûr, mon cas est là pendant qu'a walk. Bien sûr, c'est moi qui a songé pendant un cas fuck. Bien sûr que c'est pour moi qu'elle a mis son cop top, top. Moi qu'a prenne ça, qu'on si c'est tableau Van Gogh. Et bien sûr, évidemment, que j'ai mis mon condom. Maintenant, ou qu'a coûté ça, nous la qu'a wop pom pom. J'ai la bonne potion, j'ai le rhum des dom tom. Big, big, big deal, big chill, well done. Quand tu l'appelles, elle décoche pas. Ta meuf à toi, c'est mon plan à moi. Quand tu l'as, elle pense à moi. Quand t'es pas là, je suis dans ses bras. En bas bout de mon nom, c'est miel, miel. Mandy dans sa con abeille, bay. En bas bout de mon nom, c'est miel. Miel, miel, Mandy dans sa con abeille, bay. Les cas souris bas téléphone li. Bien sûr que c'est épitégi. Pendant qu'on prend que c'est Caroline. Man la cabaye bon adrénaline. Mon café wall pas tendre, pas qu'à comprendre. Dernière fois mon check li saline. Pas qu'à tendre, pas les comprendre. C'est moi qui gère ta chabine. Quand tu l'appelles, elle décoche pas. Ta meuf à toi, c'est mon plan à moi. Quand tu l'as, elle pense à moi. Quand t'es pas là, je suis dans ses bras. En bas bout de mon nom, c'est miel, miel, Mandy dans sa con abeille, bay. En bas bout de mon nom, c'est miel, miel, Mandy dans sa con abeille, bay.